garde-moi ton cœur quand j'entends le tien battre avec ardeur comme je l'aime bien. Je me sens loin du monde, blotti dans tes bras. À chaque seconde, je suis fou déjà. Qu'y a-t-il de plus beau que d'aimer une fille? Une fille comme toi. Qu'y a-t-il de plus beau quand on rêve d'une fille? Cette fille, c'était toi. Tu es venu chez moi pas plus tard qu'hier. J'ai le cœur en joie, la tête à l'envers. Tu n'es pas reparti. Quel merveilleux jour pour toute la vie, moi j'ai ton amour. Qu'y a-t-il de plus beau que d'aimer comme je t'aime, comme on s'aime tous les deux. Qu'y a-t-il de plus beau, il n'y a pas le même sous le ciel.